Bonjour Arjuna, demain c'est Manu Farine à qui vous passerez le relais pour la Compagnie des Poètes et nous on se retrouve lundi. La Compagnie des Auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce sont des histoires courtes qui débutent par cette formule magique « Il était une fois » et qui entraînent le lecteur vers de délicieuses ambiguïtés effrayantes et troublantes sous un vernis inoffensif. Nous parlons des contes depuis lundi dans la Compagnie des Auteurs, ce genre qui fait le lien entre les gens, car on les apprécie d'autant plus qu'elles nous sont racontées et que nous les racontons le soir de bouche à oreille. Des contes extraordinaires qui nous ont laissés vaguement interdits sans que l'on comprenne vraiment pourquoi. Il y en a de nombreux. Réponse des frères Grimm, par exemple, dont on a parlé lundi avec Bernadette Bricout, mais également les trois messes basses de Daudet ou les contes de Noël de Dickens, dont nous a entretenu mardi Jérémy Benoît. Sans oublier, bien évidemment, le petit chaperon rouge qu'Anne-Marie Gara a retourné dans tous les sens et observé sous toutes ses coutures. Ça, c'était hier. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour tenter de saisir les différences et aussi les points communs entre les contes de Grimm, de Perrault et d'Andersen, nous sommes en compagnie de Cyril François. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être venu nous voir depuis Lausanne, où vous êtes professeur de littérature comparée. Vous êtes spécialiste du genre des contes, notamment depuis votre essai intitulé « La voix des contes, stratégie narrative et projet discursif des contes de Perrault, Grimm et d'Andersen » que vous avez publié en 2017 aux presses universitaires Blaise Pascal. C'est un livre dans lequel vous comparez donc les textes de ces trois auteurs centraux, Perrault, Grimm et Andersen. Qu'est-ce que vous cherchiez finalement dans cette comparaison quand vous l'avez entreprise ? Alors, je cherchais sans doute plusieurs choses à la fois. Ce qui m'intéressait, c'était de voir comment distinguer ces auteurs, qui souvent sont reconnus comme les parangons du genre. Et je cherchais à savoir ce qui les différenciait. Et en même temps, j'essayais aussi de voir ce qui les rassemblait, ce qui faisait que, malgré les différences, on les reconnaissait chacun comme des auteurs de contes. Ça revient presque à définir le genre du conte, finalement, de faire ce travail-là. Peut-être, c'est vrai que dans ce travail comparatif, il y a quelque chose qui est proche du travail d'écrivains de contes tels que le Consuel et Grimm, par exemple, qui eux-mêmes faisaient œuvre de comparatistes. Ils ont comparé un grand nombre de versions écrites. Ils disent avoir récolté aussi des contes oraux. Ils ont comparé tout cela, proposé une nouvelle version. Donc, en quelque sorte, oui, vous avez raison. Donc, chacun a sa manière de raconter. On va le voir un petit peu au fur et à mesure de cette émission. Et cela dit aussi l'enchevêtrement des voix, parce qu'il y a des contes qui existent chez les uns comme chez les autres. Par exemple, chez Perrault et chez Grimm, on va retrouver des histoires qui se ressemblent beaucoup. Oui, et c'était le point de départ de mes recherches. J'ai souhaité travailler sur des textes qui étaient très proches, qui racontaient des histoires très proches. Donc on retrouve par exemple des petits chaperons rouges chez Perrault et chez les Grimm, ou des cendrillons par exemple. On retrouve des histoires de cygnes sauvages chez Andersen et chez les Grimm, ou de princesses sur des petits pois. Et c'est ce qui m'intéressait justement, ces histoires qui sont à la fois les mêmes et en même temps très différentes, que l'on retrouve sous la plume de ces trois auteurs. Alors, est-ce qu'on peut prendre un exemple d'un conte qu'on retrouverait chez les trois et qui serait traité différemment ? Chez les trois, malheureusement pas, mais on trouve en fait une double circulation. Donc, on a certains contes qu'on retrouvait à la fin du XVIIe chez Perrault, qu'on retrouve au début du XIXe chez les Grimm. Donc, c'était par exemple le Chaperon Rouge, Cendrillon, La Belle au Bois Dormant, pour donner les titres de Perrault, les Fées. Enfin, il y en a d'autres. Et puis ensuite, il y a une deuxième partie qui concerne plutôt les Grimm et Andersen, où là, certains contes, j'ai cité les Cygnes Sauvages, La Princesse sur le Poids. Il y a des histoires de paysans aussi qu'on retrouve chez Andersen sous le nom de le petit Klaus et le grand Klaus. Donc ce type d'histoire-là se retrouve chez les Grimm et Andersen, mais malheureusement, aucun conte ne se retrouve chez les trois auteurs. Il y a quelque chose peut-être de géographique aussi. C'est vrai que les Grimm et Andersen sont plus proches géographiquement. Effectivement, et à l'époque, de plus, il y avait des interactions très fortes entre l'Allemagne et le Danemark. On sait par exemple que les Grimm ont travaillé sur de vieux textes nordiques. Un des frères Grimm, Wilhelm, avait lui-même traduit de vieux chants populaires danois. Ils avaient de nombreuses connaissances au Danemark aussi. Et puis géographiquement, comme vous le dites, comme ce sont des territoires proches, les histoires circulaient très rapidement. Et on sait que les Grimm ont été très vite et très bien lus au Danemark dès la publication de leurs contes. Alors on va développer évidemment ces différences et ces points communs tout au long de cette émission, mais est-ce qu'on peut déjà, pour aider les auditeurs finalement à structurer finalement leur pensée, si on peut dire, donner voilà les grandes différences et les grandes stratégies, si on peut employer ce mot-là, des trois auteurs, y compris les Grimm qui sont déjà deux dont on parle. Oui, absolument. Alors peut-être je parlerai, si ça vous va, d'abord des points communs, parce qu'en fait il me semble que ce que font ces trois auteurs lorsqu'ils écrivent des contes, c'est s'inscrire dans une tradition et que cette tradition porte à la fois sur l'aspect populaire des contes. Donc les trois mettent en scène des histoires qui viendraient originellement du peuple, qui seraient racontées par des nourrices, etc. Ça, c'est forcément important qu'il y ait cette légitimité aussi du conte populaire. Pour ces auteurs-là, oui, mais ce sera justement les différences aussi. Mais dans les textes de ces trois auteurs, on a une mise en avant de cette dimension-là, et on a une mise en avant également d'une dimension enfantine. Les contes seraient adressés aux enfants. Donc ça, ce sont des dimensions qui unissent ces trois auteurs, mais en même temps, c'est ce qui les différencie peut-être le plus, parce qu'on peut voir qu'il y a des stratégies différentes utilisées par ces écrivains, et que si les Grimm pensent véritablement que les contes ont été écrits pour les enfants et qu'ils se prêtent à une lecture par les enfants, on voit que c'est pas forcément le cas de Perrault et d'Andersen, qui jouent peut-être plus de cette stratégie, et de même pour l'aspect populaire, où lorsque les Grimm prône véritablement une récolte de contes. Donc, il s'agirait de parcourir la campagne et puis d'ouvrir les oreilles et puis de se faire dire des contes. Chez Perrault, on a une mise en scène par une image, le frontispice qui au début du livre, on a une mise en scène d'une vieille fileuse qui raconterait à des enfants ces histoires. Mais en fait, on sait que c'est pas ça qui intéressait Perrault et qu'il n'y a pas vraiment de fidélité à la voix du peuple. Donc finalement, ils font pas le même métier. D'un côté, on a des écrivains, Andersen, Perrault, on va voir qu'il faut rentrer dans certains détails. Et de l'autre côté, chez les Grimm, on a des gens qui seraient même pas des auteurs alors. Exactement. D'après ce qu'ils disent, en tout cas, ce serait le cas. De mon point de vue, les trois font œuvre d'auteurs, d'écrivains. Et les Grimm, notamment, ont réécrit leurs textes tout au long de leur vie, entre la première publication de leur recueil en 1812 et la dernière en 1857, ils ont constamment réécrit les contes, et d'un point de vue stylistique, on voit qu'ils font œuvre d'écrivain. Mais par contre, ils se présentent comme des transcripteurs. Pour eux, ils ne sont pas auteurs de leurs contes. Ces contes sont une propriété du peuple, on pourrait dire. Alors, on va continuer de parler de ça un petit peu plus tard dans l'émission. Je voudrais qu'on fasse un petit détour aussi sur deux questions qui sont importantes et qui sont au fond toutes simples. C'est un, de quoi ça parle, les contes? Est-ce que ça parle plus ou moins toujours de la même chose? Est-ce qu'on retrouve des sujets? Et deux, comment les personnages agissent? Est-ce qu'on peut considérer qu'ils agissent plus ou moins toujours de la même façon? Alors, pour commencer, de quoi ça parle? Alors, c'est une question extrêmement complexe. On peut y répondre peut-être en disant que les contes les plus connus parlent souvent un petit peu de la même chose. Mais ces contes les plus connus, en fait, c'est une infime partie de ce qu'on appelle contes. Et dans la catégorie générique la plus large, celle sur laquelle travaillent notamment les folkloristes, il y a les contes de fées, qui sont les contes que le grand public connaît le plus, mais il y a aussi des récits étiologiques, il y a des contes religieux, il y a des contes d'animaux, donc il y a toutes sortes de genres de contes, mais et donc qui portent sur des choses extrêmement différentes. En revanche, ce que nous connaissons le mieux, que nous appelons communément contes de fées, parle souvent soit de princes, princesses, soit de paysans, ça peut être des meuniers, des bûcherons, et présentent souvent la même structure. Donc, quand il s'agit de prince ou de princesse, c'est souvent une histoire de mariage, où des fois ça commence par une déchéance, un peu comme dans Cendrillon, par exemple. Il y a beaucoup de versions de Cendrillon, enfin, il y a beaucoup de versions d'une jeune fille qui est sous la coupe de sa belle-mère marâtre. Exactement. Et qui se marie avec un merveilleux prince ou quelque chose, quelqu'un dans ce genre-là. Et ça peut être un point commun, pour revenir à votre question. Donc effectivement, il y a des choses qui sont récurrentes, notamment chez les Grimm, où il y a très souvent cette figure de la marâtre qui intervient et qui est centrale. Et donc, pour quelle raison, selon vous, on retrouverait toujours ce genre de thème-là? Alors, pour la figure de la marâtre chez les Grimm, il y a différentes hypothèses, mais la plus commune, c'est que la famille joue un rôle extrêmement important pour les Grimm. Alors, on peut donner toutes sortes d'explications, biographiques par exemple, mais d'une manière générale, on peut voir que la famille joue un rôle prédominant dans leur conte. Mais je veux dire, en général, qu'est-ce qui fait que on retrouve les thématiques dont vous venez de parler souvent chez divers conteurs? Alors, d'une manière générale, je pense qu'il y a des explications anthropologiques qui sont souvent mises en avant, qui me paraissent tout à fait pertinentes, qui seraient que ces contes ont une fonction particulière, d'une manière globale. Après, ça peut s'ancrer de manière différente, de manière locale, mais que ces contes ont pour fonction de rassembler les auditeurs et le conteur autour de certaines valeurs, et que ces contes transmettraient des valeurs. Et il y a notamment beaucoup de contes populaires qui sont analysés par les folkloristes qui disent que ces histoires mettent en garde contre l'anthropophagie, par exemple, contre l'inceste, etc. Donc, une des fonctions de ces contes serait de rassembler les auditeurs et le conteur autour de valeurs fondamentales, qui seraient les mêmes qu'on retrouve dans certains mythes également. Et alors la deuxième question, est-ce qu'on peut repérer donc des schémas qui se répètent dans les actions des personnages? Est-ce qu'ils font toujours un petit peu la même chose, ces personnages? Oui, on peut répondre oui, on peut répondre non aussi, encore une fois. Alors, il y a un chercheur russe, Vladimir Prop, qui a écrit un livre intitulé « La morphologie des contes », où il a essayé de faire une grammaire des contes en énumérant une série de fonctions. Et sa théorie, c'est que tous les contes obéissent à cette structure. Ils ne reprennent pas forcément toutes les fonctions, mais ils reprennent quelques-unes de ces fonctions et toujours dans le même ordre. Mais il a montré lui-même que ça fonctionnait très bien avec les contes russes d'Afanassiev, c'est son corpus principal, que des fois ça fonctionnait un petit peu moins avec les Grimm et très mal avec Andersen. Donc on peut répondre oui dans le sens où on retrouve souvent des fonctions communes. Et en même temps, ce qu'on voit notamment dans les réécritures modernes de contes, c'est une certaine idée de féminisation, de modernisation des contes, où on avait souvent des personnages un petit peu passifs, qui reçoivent une aide magique, et de plus en plus, on a une autre dimension qui est mise en avant, où les héros et héroïnes de ces histoires deviennent plus actifs, et finalement réussissent à s'en sortir par eux-mêmes. C'est peut-être aussi en miroir avec l'évolution de la société elle-même. Absolument. Donc, effectivement, expliquer les contes des Grimm, il y a des explications culturelles qui ont été faites, et puis cette ambiance Biedermeier du début du 19e siècle en Allemagne a sûrement joué un rôle très important. Si vous étiez moins raisonnable, je me garderais bien de venir vous conter la folle et peu galante fable que je m'en vais vous débiter. Une aune de boudin en fournit la matière. Une aune de boudin, ma chère, quelle pitié, c'est une horreur! S'écriait une précieuse qui, toujours tendre et sérieuse, ne veut ouïr parler que d'affaires de cœur. Mais vous, qui mieux qu'âme qui vive savez charmer en racontant, et dont l'expression est toujours si naïve que l'on croit voir ce qu'on entend, qui savez que c'est la manière dont quelque chose est inventé qui, beaucoup plus que la matière de tout récit, fait la beauté, vous aimerez ma fable et sa moralité. J'en ai, j'ose le dire, une assurance entière. La compagnie des auteurs sur France Culture et cet extrait des souhaits ridicules de Charles Perrault, lu par Micheline Prel. Alors on peut raconter un petit peu l'histoire de cette fable, peut-être pour commencer, Cyril François, et puis vous nous direz ce que vous en pensez de manière plus globale. Oui. Alors c'est, je pense, un conte extrêmement intéressant qui ne fait pas partie des plus connus de Perrault. Et dans ce conte, il y a deux personnes, un homme et sa femme, issus d'un milieu populaire, qui ont l'occasion de faire des vœux. Donc trois souhaits qu'ils peuvent remplir. Et ils ne savent pas exactement quoi demander, ils essayent de réfléchir, il y a une délibération, c'est quand même assez intéressant. Et finalement, les choses ne se passent pas exactement comme ils le souhaitent. Et la partie centrale, c'est qu'à un moment, le mari imagine, est un petit peu irrité par sa femme, et imagine une aune de boudin à la place du nez de son épouse. Et comme il l'imagine, comme il le souhaite finalement, ce souhait se réalise. Et donc, à la fin, il se retrouve devant un dilemme. Est-ce qu'il doit, pour son troisième souhait, demander à devenir riche et avoir une épouse qui a une aune de boudin en guise de nez, ou est-ce qu'il doit redonner à son épouse sa forme originale? Oui, parce que le premier souhait a déjà été gâché de manière un petit peu... Exactement. Un petit peu dommage, quoi. Oui, donc ça joue autour de ces mauvais choix, malgré les délibérations, où finalement ce pouvoir donne lieu à des tensions entre les deux époux. Alors, qu'est-ce que vous retenez, vous, de ce conte-là? Ce que j'aurais envie d'en retenir, peut-être, mais c'est mon point de vue, c'est l'extrait que nous avez fait écouter, qui est en fait avant le début de l'histoire à proprement parler, mais qui est une espèce de discours préfaciel, une introduction, où Perrault fait une distinction entre, on pourrait le dire un peu rapidement, entre matière et manière. Et ce qu'il dit ici, c'est que finalement, dans ces histoires, ce qui est le plus intéressant, ce n'est pas la matière elle-même, mais c'est la manière dont elles sont racontées. Et ça, c'est à mon avis quelque chose qui est extrêmement important. Ce conte, c'est un conte facétieux, comme il en existait beaucoup depuis le Moyen-Âge. Et il prête à rire. Et en même temps, ce qui est peut-être le plus intéressant dans ce conte, c'est effectivement la manière dont Perrault le présente et arrive à faire ressortir d'autres thématiques de cette histoire de base, mais toutes les tensions entre l'homme et son épouse, entre aussi les désirs que peuvent avoir les personnes du peuple à cette époque-là. Et puis, il y a des choses aussi, il faut relever que c'était un conte en vers, un conte versifié, à la différence peut-être des autres contes plus connus de Perrault qui étaient écrits en prose, et qu'il y a ici aussi au niveau stylistique des choses très intéressantes qui se passe dans la manière de représenter les paroles et les pensées des personnages également. Alors Perrault, on l'a dit tout à l'heure, il fait partie plutôt de ceux qui considèrent le conte comme un objet purement littéraire. Lui est écrivain et en même temps, Perrault les a récoltés. Ou, on ne sait pas très bien d'ailleurs si c'est lui qui les a récoltés ou si c'est son fils. Il explique que c'est son fils qui est allé écouter justement les vieilles fileuses pour récolter ses contes. Ça, c'est très très important, Cyril François. C'est important et en même temps, il y a certaines polémiques là autour parce qu'il y a d'un côté certaines personnes qui pensent que les contes ont effectivement été récoltés, que le Perrault ou son fils aurait écouté ces histoires. Et on a du mal à voir l'académicien de 67 ans aller dans les campagnes. Exactement. Mais c'est là justement que le fils joue un rôle particulier parce que là où le père, là où on a du mal à imaginer le père parcourir la campagne, on pourrait imaginer le fils le faire, mettre sur papier ces histoires et ensuite l'académicien aurait lui mis la dernière touche. Ça vous semble possible ça? Ça semble probable. En même temps, c'est pas l'hypothèse que je retiendrai moi. Je suivrai plutôt d'autres chercheurs qui pensent que ces textes sont plutôt inspirés par d'autres textes écrits. Il y a notamment plusieurs textes italiens de Straparola, de Basile, qui racontent des histoires extrêmement proches. Et donc, on partirait plutôt du principe, avec cette hypothèse-là, que les contes de Perrault seraient le fruit d'une intertextualité, donc d'une réécriture partielle de certains textes qui existaient déjà, ce qui semble aussi très probable et peut-être plus en prenant en compte le profil de Perrault et ses autres œuvres. Donc le fils de Perrault, Pierre d'Armancourt, n'aurait pas vraiment travaillé à ses contes. Alors pourquoi faire croire que c'est lui qui est allé les chercher au fin fond des campagnes? Si on part de cette hypothèse, effectivement, on pourrait penser que Pierre Perrault d'Armancourt, donc le fils de l'académicien, n'aurait joué aucun rôle, mais servirait en quelque sorte de prête-voix dans le cadre d'une mise en scène qui rend finalement les textes extrêmement complexes et qui correspond, à mon sens, au projet de Perrault. C'est-à-dire que le recueil de Perrault, qui s'intitule « Histoire ou conte du temps passé », présente une couverture où il n'y a pas de nom d'auteur. Et à l'intérieur, le nom de son fils apparaît à deux endroits. C'est son fils qui signe l'épître dédicatoire, donc cette espèce d'introduction qui est une lettre écrite à la nièce du roi. Et puis, revient aussi en fin de texte, en fin de livre, donc voilà, c'est un peu moins important. Mais ce qui est important, c'est que le nom du fils de Perrault n'apparaît pas sur la couverture. Et donc, si on essaye de voir toutes les manières d'interpréter ce fait, on pourrait prendre cette mise en scène au premier degré et se dire, c'est le fils de Perrault qui a entendu les histoires d'une vieille nourrice, d'une vieille fileuse ici, c'est ce qu'on voit dans l'image, le frontispice du livre, et puis qu'il les a mis par écrit. Ce serait un premier niveau de lecture. Mais il y a un autre niveau de lecture qui pourrait être intéressant, qui serait que Perrault met en scène cette façon de raconter les histoires pour essayer de faire passer un message. Qui serait ? Et ce message serait à mettre en écho avec celui de contemporains de Perrault, qui travaillent aussi sur des contes, Madame Donoy, Marie-Jeanne l'Héritier, etc. Donc il y a toute une série d'écrivains entre 95 et 98 qui publient des recueils de contes et qui présentent ces recueils de contes à la fois comme des histoires qui se raconteraient parmi le peuple et qui serviraient de divertissement à un public mondain. Et il y a une mise en scène chez Marie-Catherine Donoy, chez Marie-Jeanne l'Héritier, de ces situations mondaines dans lesquelles une personne lit ou raconte une histoire à d'autres personnes. Et il y a un jeu entre ce public mondain et l'origine populaire des contes. Chez Perrault, il y a une dimension peut-être supplémentaire. Les contes sont vraisemblablement également destinés à un public mondain. Mais il y a cette mise en scène où tout à coup, on ne nous présente plus les contes transmis, raconté, lu dans un contexte mondain, mais on simule cette transmission populaire, en tout cas d'origine populaire, avec une fileuse qui raconterait à de jeunes bourgeois ou nobles, ici c'est plutôt un jeune garçon noble à qui elle raconte l'histoire. Et ici, la fonction pourrait être de déplacer légèrement le point de vue pour mettre en avant la valeur éducative des contes. Mmh. Et cette valeur éducative, elle est mise en avant par Perrault dès la préface des contes qu'on appelle les contes en vers, qui date de 94, où il opposait les fables antiques à ces contes modernes en disant qu'ils étaient beaucoup plus moraux. En fait, Perrault dit c'est mon fils de 17 ans qui vous rapporte ces contes. Mmh. Ça s'adresse à des jeunes et donc ce sont des contes qui sont édifiants. Voilà, avec aussi l'aspect populaire de cette transmission d'une vieille fileuse qui raconte à des enfants, ou qui c'est pour leur éducation. Mmh. Et donc il reprend cet aspect-là aussi. Et puis, s'il présentait le même cadre mondain que Donoy ou l'Héritier, ce serait difficile de dire que ces contes sont plus qu'un divertissement. Mais en faisant croire que c'est une vieille fileuse qui les raconte à des enfants pour leur éducation, il peut mettre la dimension éducative en avant. Alors il y a aussi une autre fonction peut-être cette manière de faire intervenir le fils, c'est d'expliquer qu'il y a un récit cadre. Parce que d'habitude, dans les contes, il y a toujours, comme par exemple dans Les Mille et Une Nuits, où il y a Scheherazade qui raconte, il y a toujours un récit cadre, et là chez Perrault, il n'y en a pas. Ou alors, le récit cadre, ce serait justement celui-là, ce serait l'intervention du fils. Exactement. Ce récit cadre qui est très populaire dans Les Mille et Une Nuits, mais aussi dans d'autres recueils de contes, pourrait être transposé dans ce qu'on appellerait une image cadre, ce frontispice, donc cette image dans laquelle on voit une vieille fileuse raconter des histoires à des enfants. Cette image raconte une histoire qui est complétée par l'épître, donc par cette lettre signée du fils de Perrault, et tout cela ensemble forme une espèce de récit cadre, effectivement. Allez Cyril François, allons voir du côté de chez les Grimm, avec un extrait du conte du Sourisseau, de l'Oiselet et de la Saucisse. Il y avait une fois une souris, un petit oiseau et une saucisse qui vivaient ensemble depuis longtemps dans la paix et le confort. Le travail du petit oiseau, c'était de s'envoler tous les matins dans la forêt pour ramasser du bois. La souris allait chercher l'eau, allumait le feu et dressait la table. Et la saucisse, elle, faisait la cuisine. Mais quand on vit trop bien, on a toujours envie de quelque chose de nouveau. Un beau jour, le petit oiseau rencontra un autre oiseau à qui il raconta sa vie, très content de lui-même. Mais l'autre oiseau lui dit... Tu es bien bête, c'est toi qui fais tout le travail, pendant que les deux autres paraissent à la maison. Quand la souris a allumé le feu et apporté l'eau, elle va se reposer dans sa chambre jusqu'à ce qu'on l'appelle pour mettre la table. Quant à la saucisse, elle reste sur place, s'assure que le repas est cuit à point, et un peu avant l'heure du déjeuner, elle se glisse deux ou trois fois dans le ragoût ou dans les légumes pour que cela ait bon goût et que cela soit bien salé et bien assaisonné. Et quand tu rentres pour déposer ton fardeau, les deux autres se mettent à table et après le repas s'endorment à poing fermé jusqu'au lendemain matin. Et ça, ça c'est la bonne vie. Vexé, le petit oiseau refusa d'aller chercher du bois le lendemain. Il proposa que l'on change les rôles pour voir si ça ne pouvait pas marcher autrement. La souris et la saucisse eurent beau protester vigoureusement, l'oiseau imposa son point de vue. On tira à la courte paille et le sort tomba sur la saucisse qui dut porter le bois, tandis que la souris devenait cuisinière et que l'oiseau était chargé de la corvée d'eau. Qu'arriva-t-il ? La saucisse alla chercher du bois. Le petit oiseau alluma le feu et la souris prépara la marmite. On attendait que la saucisse rapporte le bois, mais elle resta si longtemps dehors que les deux autres s'inquiétèrent et que l'oiseau partit à sa recherche. Tout près de là, il rencontra un chien qui avait trouvé la pauvre saucisse et en avait fait sa proie, l'avalant en un clin d'œil. Le petit oiseau protesta vigoureusement et dit au chien que c'était une véritable provocation. Mais cela ne servit à rien, car le chien prétendit qu'il avait trouvé sur la saucisse des lettres de calomnie contre lui et qu'il avait été obligé de la tuer. La compagnie des auteurs avec cette interprétation de ce conte du sourisseau, de l'oiselet et de la saucisse par la compagnie Jacques Fabrice. Un conte qui se termine très mal, Cyril François. Oui. On vient déjà de commencer à le comprendre avec la mort tragique de la saucisse. Ça ne va pas s'arrêter là parce que la souris va mourir elle aussi en voulant remplacer la saucisse en se jetant dans la nourriture pour essayer de la saler. Mais bon, ça ne fonctionne pas évidemment. L'oiseau va également périr noyé en allant chercher de l'eau. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de ce conte-là ? Alors, c'est un conte qui est très amusant, qui est assez proche, finalement, thématiquement, de celui qu'on a écouté tout à l'heure, des souhaits ridicules, qui raconte une histoire très, très simple, un petit peu naïve, et en même temps, qui a une dimension sociale extrêmement forte. Ce qu'on sait peu, en fait, de ce texte de Grimm, c'est qu'en fait, ils l'ont repris d'un livre d'un de leurs contemporains, qu'il avait lui-même repris d'un journal, et que dans les autres versions, ce conte était introduit par une personne qui disait raconter cette histoire pour montrer pourquoi il existe un ordre social. Oui, c'est assez conservateur quand même, hein, comme conte. Hein. Très conservateur, chacun à sa place. Oui, chacun à sa place. Il ne faut pas changer les choses, effectivement. Oui. Alors, les frères Grimm, vous avez commencé déjà de nous dire quelle était leur spécificité, qui est donc d'être des philologues, hein, d'une certaine manière. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, finalement, sur leur motivation transmettre comme ça ces contes? Alors, leur motivation est très bien expliquée dans la préface de leur recueil. Il y a une dimension politique et culturelle. Donc, ils ont commencé à récolter des contes à une époque où l'Allemagne était sous l'emprise de Napoléon. Donc il y avait une dimension politique et beaucoup faire de personnes... Faire vivre la culture allemande. C'est ça, il y avait vraiment la peur de perdre cette culture allemande, cette culture populaire qui venait de très loin. Et pourtant, il y a des contes qui sont communs à la France et à l'Allemagne. Il y en a énormément. C'est là toute l'ironie de l'histoire et qui a été soulignée par de nombreux chercheurs. C'est que en essayant de sauver le patrimoine culturel allemand, enfin, on pourrait dire de manière un peu anachronique, en essayant de sauver ce patrimoine, les Grimm utilisent des contes qui, pour la plupart, sont issus d'une tradition française, il y en a d'autres aussi, mais disons la grande partie et les plus connues, se retrouvent en France et certaines personnes font l'hypothèse, qui est tout à fait crédible également, que ces contes sont passés de la France à l'Allemagne par des livres, par des personnes aussi, les Huguenots qui fuyaient la France par exemple. Et on sait que beaucoup de personnes, les indicateurs des Grimm étaient francophones. certains étaient d'origine huguenote. Et donc, on peut penser effectivement que, c'est là toute l'ironie, que les Grimm ont utilisé des contes d'origine française pour sauver le patrimoine allemand. Donc, on a vu les motivations de Perrault, celles des frères Grimm. Qu'en est-il d'Andersen? Que cherche-t-il, lui, avec ses contes? Pour Andersen, la situation est peut-être un peu plus complexe parce que tout porte à croire qu'il s'est lancé dans l'aventure du conte un peu par hasard et que ça a mieux fonctionné que ce qu'il espérait, qu'il s'y est attaché et finalement il a écrit des contes pendant une période d'environ 35 ans. C'est avec les contes qu'il a eu le succès qu'il n'avait pas eu par ailleurs avec ses pièces de théâtre par exemple. Exactement, il avait eu un petit succès d'estime pour certains poèmes, pour certains romans. Il a eu assez peu de succès pour ses pièces de théâtre qui étaient parfois jouées, mais c'était vraiment sa vocation première et il était assez triste de ne pas être mieux reçu à Copenhague. Et il s'est lancé dans le conte un petit peu par hasard. Et ça a très bien fonctionné. Et il a développé cet art qu'il a, à mon avis, vraiment développé à un niveau stylistique qui fait qu'il est considéré encore aujourd'hui comme un véritable poète du conte. Et donc sa motivation, à mon avis, c'était à la fois raconter des histoires, c'est ce qu'il aimait par-dessus tout, et en même temps jouer avec la langue, jouer avec la langue écrite danois et la langue parlée, inventer une nouvelle manière d'écrire des contes qui soit inspirée de la langue parlée et de la langue enfantine aussi. Donc on peut imaginer que ce qui l'intéressait, c'était l'effet produit sur le lecteur, mais un effet davantage de choc, de sidération, pour reprendre un mot très à la mode, plutôt qu'un effet de morale, comme c'est le cas pour les Grimm ou dans une autre mesure pour Perrault. Effectivement, et c'est là tout le paradoxe d'Andersen qui est reconnu aujourd'hui en France principalement comme un écrivain pour enfants. Et en fait, ce qui s'est passé au 19e siècle dans les premières traductions d'Andersen en France, en Angleterre, c'est qu'on le traduisait comme auteur pour enfants et en même temps, on le censurait parce que ses textes étaient inadaptés aux enfants. Il y a des histoires qui ne sont pas du tout morales. On apprend dans Le Briquet, le premier texte de son recueil, on apprend l'histoire d'un soldat impulsif qui coupe la tête d'une sorcière qui ne lui a rien fait, qui fait venir une princesse endormie et l'embrasse sans son accord, et puis qui finit par épouser cette princesse après avoir tué les parents de cette dernière. Et alors ici, d'un point de vue moral, on voit que ça posait un certain nombre de problèmes au 19e siècle aux traducteurs. Allez, on va continuer de parler des contes avec vous, Cyril François, juste après un petit pas de côté avec la chronique de Nathalie Frolov. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Nathalie Frolov, professeure en classe préparatoire littéraire au lycée Louis le Grand et chroniqueuse régulière dans cette émission tous les jeudis où on fait venir des personnalités extérieures. Bonjour à vous Nathalie. Bonjour Mathieu. Vous venez nous parler de l'auteur russe de films d'animation Gary Bardin parce qu'il a donné des interprétations assez extraordinaires de différents contes. Oui, par leur tradition orale, les contes ont pu permettre toujours écriture et écriture, adaptation et recréation. Et les images, en fait, ont toujours été en ce sens, me semble-t-il, plus que des illustrations. C'est pour cela que je vais m'intéresser aujourd'hui à trois adaptations très vivifiantes de contes célèbres. Je crois que vous avez parlé hier, dans l'émission d'hier, du Petit Chaperon Rouge. Avec Anne-Marie Gara. Voilà. Et j'ai immédiatement pensé au film d'animation de Gary Bardin, dans lequel on découvre un loup gris. Puisque tel est l'équivalent du grand méchant loup en Russie, ce loup gris est très déprimé. Les habitants, pour l'empêcher de sévir encore, l'ont privé de sa dentition. Ah oui. Et il se morfond, il se plaint de sa superbe perdue. Alors il va obliger un dentiste à lui poser un nouveau dentier en métal, et illico, il commence à avaler tout ce qu'il trouve sur son passage, à commencer bien sûr par le dentiste. Et son ventre va peu à peu faire penser au ventre d'une baleine, dans lequel tous ceux qui sont dévorés viennent s'empiler. Le petit chaperon rouge, de son côté, fait un long voyage de la Russie à Paris, où habite sa babouchka. Gary Bardin va entremêler ici des chansons du folklore russe avec les chansons sur Paris. Ce même plaisir, en fait, à multiplier les clins d'œil et les références, va se retrouver dans Le Chat Botté. Alors là, c'est un court-métrage qui commence non pas du tout dans un moulin, mais dans une Russie qu'on pourrait un peu décrire en miettes, post-Tchernobyl. Mmh. Et il y a un avion américain qui jette des vivres, des paquets. Et dans l'un des paquets, il y a un chat américain tout joyeux et qui va réussir à décider un certain Karabassov, un jeune homme un peu trop porté sur la vodka, à le suivre jusqu'aux États-Unis. Mais ce voyage dans les airs va prendre fin bien avant son terme et Mr. Karabassov, comme il s'appelle lui-même, et le chat américain vont atterrir en fait en plein milieu de la galerie des glaces au milieu de courtisans en train de danser à l'époque de Louis XIV. Il faut dire qu'il y a souvent une dimension politique qu'on retrouve peut-être ici dans les adaptations de Garibardine. Oui, alors on va le voir ici, c'est intéressant par le contraste des couleurs. La cour de Louis XIV est montrée avec des couleurs vives, une lumière chaude. C'est une royauté fastueuse, mais tout de même un peu mécanique, puisqu'on a l'impression d'être face au théâtre du monde de la Bruyère. Et en fait, ces pâtes à modeler vont permettre justement de donner un côté très vivant. Ce qu'on va retrouver surtout en fait dans son très grand film qui s'appelle « Le vilain petit canard ». Et là, on va avoir une ambition politique et sociale qui va être encore plus nette. En fait, le réalisateur, ici Garibardine, n'a gardé de ce conte d'Andersen que la fin, et que le début et la fin. Et il a enfermé toute la volaille dans une basse-cour, avec des très hautes palissades, et dans laquelle, tous les matins, il y a un chœur de, voilà, des oies et des canards qui vont chanter un hymne à la gloire de cette basse-cour. Cette basse-cour, elle ressemble un petit peu quand même à la ferme des animaux d'Orwell. C'est un lieu où le totalitarisme est accepté, complètement presque recherché, je dirais, même par un petit ver de terre qui apparaît au tout début, qui est assez drôle, personnage assez comique, qui se plaint tout le temps de sa vie misérable, mais qui ne veut pas y échapper. Et en fait, on va avoir ici, bien sûr, une dénonciation du totalitarisme, et puis peut-être aussi de la Russie un peu contemporaine, mais c'est une dénonciation très subtile, parce que, en fait, Garibardine veut vraiment que le spectateur, qu'il soit enfant ou adulte, s'identifie au petit canard. Et ça se voit vraiment lorsque le petit canard va chanter sa complainte de mal aimé, en fait. Hein. La trouvaille géniale de Garibardine dans Le vilain petit canard, c'est surtout d'avoir réussi à conjuguer ce conte d'Andersen avec Le lac des cygnes de Tchaïkovski. Et ça, c'est une évidence. Le petit canard, il est ce personnage tout seul, exclu de la vie des autres, alors qu'il est très gentil, très courageux, mais tout seul. Et la musique de Tchaïkovski va souligner de manière très subtile, justement, il va annoncer ce très bel envol, en fait, du cygne à la fin du film. Ce que j'ai mentionné de manière un peu rapide, c'est le fait que Garibardine utilise des vrais matériaux, que ce soit des allumettes, du papier, des fils de fer. Il a gagné en fait la Palme d'Or du court-métrage à Cannes en 1988 en utilisant justement du fil de fer. Et pour ses trois contes, il utilise la pâte à modeler. Et en particulier, on est vraiment ici très loin des pixels de chez Pixar. Donc on a ici un conte qui va montrer d'une certaine manière... qui va devenir une sorte de conte philosophique, un conte philosophique, un conte symbolique, puisque Garibardine va montrer le totalitarisme comme servitude volontaire, mais aussi le prix à payer pour la liberté. Et le vilain petit canard devient alors un personnage à qui tout le monde peut s'identifier, qui essaie de trouver sa place dans un monde cruel, seul contre tous, et sauvé par la musique et par l'art. Merci beaucoup Nathalie Frolov, ça donne évidemment envie d'aller voir ces adaptations. On vous retrouve bientôt. À bientôt. Au revoir. C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture. Nous parlons des contes en cette semaine de fête avec aujourd'hui Cyril François de l'Université de Lausanne. Il était une fois un gentilhomme qui épousa en seconde noce une femme, la plus hautaine et la plus fière qu'on eût jamais vue. Elle avait deux filles de son humeur qui lui ressemblaient en toutes choses. Le mari avait de son côté une jeune fille, mais d'une douceur et d'une bonté sans exemple. Elle tenait cela de sa mère, qui était la meilleure personne du monde. Les noces ne furent pas plus tôt faites que la belle-mère fit éclater sa mauvaise humeur. Elle ne put souffrir les bonnes qualités de cette jeune enfant qui rendait ses filles encore plus haïssables. Elle la chargea des plus viles occupations de la maison. C'était elle qui nettoyait la vaisselle et les montées, qui frottait la chambre de madame et celle de mademoiselle ses filles. Elle couchait tout au haut de la maison, dans un grenier, sur une méchante paillasse, pendant que ses sœurs étaient dans des chambres parquetées où elles avaient des lits des plus à la mode et des miroirs où elles se voyaient depuis les pieds jusqu'à la tête. La pauvre fille souffrait tout avec patience et n'osait s'en plaindre à son père qui l'aurait grondé parce que sa femme le gouvernait entièrement. Lorsqu'elle avait fait son ouvrage, elle s'allait mettre au coin de la cheminée et s'asseoir dans les cendres, ce qui faisait qu'on l'appelait communément dans le logis « Cussandron ». La cadette, qui n'était pas si malhonnête que son aînée, l'appelait « Cendrillon ». Cependant, Cendrillon, avec ses méchants habits, ne laissait pas d'être 100 fois plus belle que ses sœurs, quoique vêtue très magnifiquement. Une lecture par Guillaume Gallienne, vous l'aviez reconnu, hein, Cyril François. Une très belle lecture, oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce texte tellement connu de Cendrillon ? Alors, ce que j'en pense quand j'entends cette lecture, c'est qu'il est très bien écrit. Alors, donc, dans cette version-là, parce qu'il y en a des tas de versions de Cendrillon. Ici, c'était la version de Perrault, effectivement, et on voit que c'est un très beau texte. Il existe effectivement énormément de versions différentes. Celle des Grimm est un petit peu différente, par exemple. Et ce que j'en pense, c'est qu'il est devenu, en quelque sorte, emblématique du conte de fées pour, aux yeux de beaucoup de personnes. Et il est devenu emblématique d'un certain type de conte. Vous me demandiez tout à l'heure quelles étaient les caractéristiques communes, quelles étaient les dimensions qu'on retrouvait dans beaucoup de contes. Je vous avais cité Cendrillon en disant que c'était le prototype du conte qui met en scène une déchéance, une injustice, et puis ensuite, à travers toute une série d'actions, cette injustice sera réparée et... ici, dans le cas de Cendrillon, elle accède à un mariage princier. Donc c'est un peu consolatoire aussi pour les personnes qui l'écoutent. Ça va pas bien aujourd'hui, mais tu vas voir, ça ira mieux demain, même si c'est peut-être aussi une manière d'éviter les révoltes, de considérer que plus tard, ça ira bien si on fait bien son travail de Cendrillon. Là aussi, il y a peut-être un côté un petit peu conservateur. Effectivement, on pourrait le voir comme ça. Alors, les textes de Perrault mettent souvent en scène des héroïnes qui obéissent, qui sont serviles, qui sont douces, qui sont aimables et qui sont récompensées pour ces qualités-là. Et il y a différentes théories. Certaines personnes pensent que Perrault était féministe, d'autres absolument pas. Il y a différentes manières de le lire, il faut le relire en contexte. Mais effectivement, les valeurs qui sont mises en avant chez Cendrillon, c'est principalement cette douceur de caractère, cette grâce, le mot est important. Et d'ailleurs, la fin du texte de Perrault est très différente de celui des Grimm, et ça me semble tout à fait révélateur. Chez Perrault, Cendrillon pardonne à ses sœurs et les accueille auprès d'elle. Et ça fait partie de son caractère. C'est pour cette raison-là qu'elle est sauvée en quelque sorte et qu'elle peut épouser le prince. Chez les Grimm, les sœurs sont punies de manière assez affreuse. Alors, elles se punissent elles-mêmes en se coupant les orteils ou le talon afin de faire pénétrer le pied dans la chaussure. Mais en plus, elles sont punies également par des oiseaux qui leur crèvent les yeux lorsqu'elles entrent dans l'église pour assister au mariage de leur sœur, lorsqu'elles entrent dans l'église et lorsqu'elles en ressortent. Donc on a une violence. Ça signifie quelque chose, cette différence pourquoi les Grimm ont-ils fait ce choix-là différent de Perrault ? Il y a différentes manières de l'interpréter. Peut-être que chez les Grimm, l'important, c'est de mettre en avant cette morale qui voudrait que les bons soient récompensés et les méchants punis, qui est pourtant un principe qui est mis en avant par Perrault lui-même. Mais on pourrait se dire que chez Perrault, finalement, les sœurs sont peut-être également punies parce qu'elles vont devoir être témoins du bonheur de leur sœur à vie. Oui, mais un peu moins quand même. Mais un petit peu moins. Alors évidemment, Cendrillon, on ne peut pas ne pas penser aux adaptations par Disney, de ce conte-là. Est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle adaptation dans cet enchevêtrement des voix et des discours, des contes sans cesse repris de génération en génération ? Oui, absolument. C'est ce qui fait la richesse du conte, à mon avis. Donc, c'est vrai que les contes sont liés à des images. Les contes étaient illustrés dès le XVIIe siècle. Les contes de Perrault, par exemple, sont accompagnés de petites vignettes. En France, nous avons eu un grand artiste, Gustave Doré, qui a illustré les contes au XIXe siècle et les images de Doré sont vraiment associées au texte de Perrault. On retrouve la même chose dans d'autres langues avec d'autres écrivains et d'autres illustrateurs. Et le cinéma a joué un rôle essentiel, mais en fait ça va dans les deux sens, parce que les premiers films de Méliès portaient sur des contes, et c'est pas forcément étonnant, parce que quand on doit raconter une histoire dans un film muet, on a plutôt intérêt à soit ce que l'histoire soit très très simple, soit à ce qu'elle soit connue. Et par exemple, dans le Cendrillon de Méliès, ce qui est extrêmement intéressant, c'est lorsque la fée marraine, dans le conte, elle dit à Cendrillon qu'elle doit rentrer avant minuit. Dans le film de Méliès, il y a une pendule juste derrière elle, et elle lui montre avec de l'index cette pendule. Et quelqu'un qui ne connaîtrait pas l'histoire de Cendrillon ne pourrait pas comprendre exactement ce qui se passe, parce qu'il n'est pas minuit sur la pendule, c'est l'heure à laquelle elle part. Et donc, on ne pourrait pas comprendre que ce signe de l'index signifie « il faut que tu sois rentré avant minuit ». Et donc, il y a une sorte de symbiose entre le conte et le cinéma. Le conte a permis aux premiers essais cinématographiques de raconter des histoires déjà connues qui permettaient de simplifier un petit peu la réception par les spectateurs. Et puis ensuite, le cinéma, dont Disney, dont vous parliez, a donné un nouvel engouement à ces histoires. Et maintenant, quand vous essayez d'acheter un livre pour enfants dans une librairie, en général, vous avez les éditions de Disney avec les illustrations tirées des films. Pour revenir sur cette idée que Cendrillon, c'est un petit peu la propagande pour le bonheur qui viendra plus tard, on est une jeune fille douce dans le présent, ça peut rappeler lointainement l'idée que si on est bon sur cette terre, le paradis nous sera accessible. Est-ce qu'il y a quelque chose de chrétien aussi dans ces contes-là, une tradition religieuse, et quelle est la place de Dieu finalement dans ces contes? Oui, il y a une dimension chrétienne extrêmement forte, je dirais peut-être encore plus chez Andersen et les Grimm, mais déjà chez Perrault, on peut relever certaines valeurs chrétiennes qui font que Cendrillon se doit d'être douce, de pardonner et d'être gracieuse. Et ce pardon ressemble tout à fait, faut faire attention de ne pas aller trop vite dans les comparaisons, mais on retrouve ici un pardon très catholique qui explique peut-être la différence avec les Grimm, où on aurait une fin peut-être un peu plus protestante, où chacun est responsable de son propre destin, et que les sœurs avaient en quelque sorte scellé leur destin. Et donc on pourrait tenter ce type de lecture. Il faut faire attention, parce qu'il y a des contemporains des Grimm, allemands, protestants, qui racontent des histoires un peu différentes. Mais Andersen, lui, est ouvertement chrétien, lui, il ne s'en cache pas. Ouvertement, et on trouve énormément de mentions de Dieu dans ses contes. Peut-être un petit peu moins chez les Grimm, même si on sent qu'il y a une dimension chrétienne très forte. Par contre, chez Andersen, Dieu intervient directement dans les contes. Donc les personnages prient, s'adressent à Dieu. Il y a des signes divins aussi qui viennent aider les personnages. Et puis surtout, cette idée très forte que vous mentionniez tout à l'heure, d'espérance plus que d'espoir. Il n'y a pas grand-chose à espérer sur cette terre, mais par contre, si vous vous comportez bien, il y a beaucoup de choses à espérer dans l'au-delà. La compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons des contes avec vous, Cyril François de l'Université de Lausanne. Alors on l'a dit en début de cette émission, chaque conteur a sa manière de raconter, que ce soit Perrault, les Grimm, Andersen, tous mettent en place un cadre énonciatif compliqué, complexe et différent. Et c'est cette complexité aussi qui a contribué au succès finalement et à la longévité de ces contes, parce que ce cadre énonciatif, cette manière de raconter, pour dire les choses un peu plus simplement, permet de toucher un public très différencié, Cyril François. Exactement, c'est ce qui fait que Perrault peut être lu aujourd'hui comme un écrivain pour enfants, de la même manière qu'il peut être lu comme un écrivain pour adultes qui écrit des textes extrêmement complexes. Il peut être lu comme la personne qui a mis par écrit des textes populaires, ou comme un écrivain qui aurait composé des textes très littéraires en exploitant des textes antérieurs et puis par son imagination. Donc en fait, tout cela se trouve en puissance dans le livre de Perrault, et c'est la manière dont le texte est raconté qui permet cela, parce qu'on peut très bien faire une lecture premier degré en pensant entendre la voix d'une vieille fileuse qui nous raconte très simplement un récit à portée plus ou moins universelle. Donc il y a un art du roman, enfin c'est pas un roman, mais un art de la littérature qui est tout à fait consommé quand même. Qui est tout à fait consommé parce qu'en fait, le diable se cache dans les détails, on pourrait dire, parce que chez Perrault, on voit à quel point le narrateur est présent à travers des choses très, très subtiles comme les parenthèses, certains connecteurs. Et en fait, ce qu'on voit chez Perrault, c'est une double voix en quelque sorte. On aurait d'une part la voix de la vieille fileuse, qui nous raconterait l'histoire, et en même temps, la voix, on pourrait dire de Perrault, mais en tout cas d'un narrateur contemporain de Perrault, qui commenterait l'histoire et qui donnerait une autre dimension à ce récit. Oui, parce que dans les parenthèses, ce sont souvent des notations humoristiques qui sont à destination plutôt des adultes, un peu comme, pour reprendre toujours les films de chez Disney ou de chez Pixar, on peut aller les voir avec un œil adulte ou un œil enfant, et il y a en permanence ces deux adresses. Exactement, et cette double adresse, c'est une caractéristique de beaucoup de dessins animés qui sont très populaires actuellement, et qui fonctionnent de la même manière que beaucoup de textes littéraires qui s'adresse à la fois aux enfants et aux adultes. On a cité Perrault, on retrouve cette stratégie à l'œuvre chez Dumas, qui a aussi écrit des contes. Chez Andersen aussi, il y a cette stratégie qui est mise en avant. Donc effectivement, cette double adresse est très intéressante et elle permet une double lecture. Tout à l'heure, on disait que Andersen était peut-être le plus écrivain des trois, en tout cas le plus poète des trois. Ça se retrouve aussi dans la manière dont lui intervient à la première personne dans certains de ses contes. Oui, effectivement, dans les manières de raconter, on voit que dans les textes d'Andersen, il y a un jeu qui parle. Le narrateur intervient, utilise la première personne, utilise le présent, fait des références à des lieux géographiques connus du lecteur, à des événements historiques connus du lecteur, et s'adresse également directement au lecteur avec la deuxième personne, tu ou vous. Et donc, il construit dans son texte les conditions de sa transmission, de son énonciation. Donc il construit une forme d'adresse à l'intérieur même du texte. Alors que les Grimm, au contraire, essayent d'effacer cela. Il y a différents exemples, quand ils reprennent leurs contes de livres écrits, on voit on peut voir cet effacement, comme dans le cas qu'on citait tout à l'heure de l'oiseau, du souriceau et de la saucisse, où il y avait un narrateur qui intervenait à la première personne, et toute cette dimension-là a été supprimée. Ce qui correspond bien, en fait, au projet des Grimm, de vouloir transmettre, comme ils le disent, la voix du peuple. Et donc, cette voix, elle n'est pas culturellement déterminée. N'importe qui pourrait se reconnaître dans ses contes, et on ne doit pas y voir un narrateur du 19e siècle en Allemagne. Alors, on a parlé avec Cyril François, le chercheur. Maintenant, je voudrais m'adresser à Cyril François, le lecteur, pour vous demander, finalement, quel est votre conte préféré et qu'est-ce qui vous touche, finalement, quand vous lisez ces textes-là? Alors, là, c'est une question difficile. Il y a différentes choses qui me touchent chez ces trois écrivains. Et peut-être que je ne vous aurais pas répondu de la même manière il y a 20 ans. Je suis particulièrement sensible à l'écriture d'Andersen et de Perrault. Donc, au niveau stylistique, il y a quelque chose qui me touche chez ces écrivains. La dimension poétique dont on a parlé chez Andersen. Ce jeu sur la simplicité qu'on a vu chez Perrault, qui est très proche parfois de La Fontaine. Sur la pureté même. Voilà, exactement. Et donc, il y a des choses qui me touchent à ce niveau-là. Donc, par exemple, un des contes d'Andersen que j'apprécie particulièrement s'intitule L'ombre, mais c'est un conte qui est précisément peut-être le conte le moins destiné aux enfants et qui raconte une histoire extrêmement étrange qui est connue en fait de la littérature allemande déjà au début du 19e, d'un homme qui vend son ombre. Et en fait, dans ce texte-là, il ne la vend pas, mais il lui dit d'aller voir dans le balcon en face du sien. Et puis, tout à coup, son ombre part et puis elle disparaît. Il se retrouve sans ombre. Donc, il y a une longue tradition. C'est un très, très beau texte, extrêmement philosophique. Mais je suis aussi très sensible à ces textes humoristiques. C'est la dimension de l'humour est extrêmement importante, à mon avis. Et elle est très bien maniée par Andersen. et également chez Perrault, mais de manière plus subtile, comme je le montrais. Et je suis, je pense, devenu aussi, par mes recherches, beaucoup plus sensible à la poésie des textes des Grimm, où on a l'impression effectivement que les textes ne sont pas racontés par un narrateur très présent. On n'a pas l'impression que ce sont des textes d'auteur, mais en fait, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ces textes ont été réécrits, travaillés, et on sent ce travail. Et il y a une recherche de la simplicité également, un effacement du narrateur qui se retrouve et qui donne lieu à des phrases magnifiques également. Merci beaucoup Cyril François. Je rappelle donc que votre livre « La voix des contes, stratégie narrative et projet discursif des contes de Perrault, Grimm et Andersen » a été publié aux presses universitaires Blaise Pascal en 2017. Cette émission a été rendue possible grâce à Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Malonda, Laurence Genepin, Stéphanie Vélin et Florent Bujon. Demain à 15h, c'est Manu Farine qui vous accompagnera pour la compagnie des poètes. Et la semaine prochaine, à l'occasion de la parution dans la collection Quarto chez Gallimard des œuvres complètes de Saint-Exupéry, nous vous proposerons de réentendre la série que nous avions consacrée à l'auteur du Petit Prince en mai dernier. Tout de suite, c'est le moment de la poésie sur France Culture. On retrouve Jacques Bonnafé. Bonjour, bonjour à tous. Très vite, tout de suite, on continue avec Hans Limon. On reprend cours dans le poème Fleuve, dernier du livre Poéticide. Un poème n'est jamais court, mais il n'a jamais fin. C'est nous qui vite, vite, vite, vite, gloup, on le fait rentrer comme on peut dans les cases préservées. Merci Mathieu, merci la compagnie. Et plus loin, derrière les gerbes d'étoiles, derrière l'obscur et l'éclatant, par-dessus l'incroyable échancrure de l'aube massive originelle, cette gigantesque femme offerte au vert déferlement d'amour, de présence et de vie, que souffle dans sa perte l'univers depuis tant et tant d'années poussière, nue, fraîche et radiante, sa chevelure déroulée serpentait comme le blé en herbe, sous le vent du matin, statique et scintillante, sa main de feu semée de satellites joyaux tenait dans sa paume d'abyss un crayon de soleil, d'un geste grave et tendre, elle posa l'autre main sur la voie lactée. Ah, pause, vous êtes prié là de réunir ce passage avec l'envolée d'hier, vous savez, réécoutez vos podcasts, vérifiez, prenez place pour l'envolée suivante, on essaie de faire court, hein. Moi qui pleurais, car la beauté fait mal, la la la la la la, grouillant, sifflant, grondant, criant, cinglant, dardant, la belle sur son axe au tournoiement des saisons, cabotine et resplendit sous un manteau d'azur, troué çà et là de plomb, de soufre et de mercure. Sous sa calotte mésophérique, parapluie de nuées, le cycle des espèces, le bal des survivants, les tigres hirondelles, les éléphants lynx, les hippocampes lézards, les hyènes colombes, les palombes chacals, les chevaux requins, les vers de mer, les étoiles de terre, les esturgeons voyageurs, les albatros exocètes, les ratons pilotes, les boas crevettes, les crapauds belettes, les aigles paresseux, les singes léopards, tout ce que la création dans ce vaste refuge brasse et mélange en coulée d'atomes criblés de forces centrifuges, et tout autour de ce luxe innocent, le vieux réseau des visions pures, mortes ou vives, les bardes, les poètes, les penseurs, les anachorètes, les traînes savates musardant sur le chemin des drames, suractifs dans l'inaction, submergés de contemplation, inutiles et précieuses, magnifiques et marginales, à bras le cœur saisissant le monde tel qu'il est, pour en caresser l'indomptabilité, le rendre habitable. Habitable et non disponible, cohabitable et non habitable, chair et terre, terre et souffle, souffle et chair, ceux-là ont vu qui n'en finiront jamais de nous dessiller, ceux-là ont vu qui déplorent aujourd'hui, morts ou vifs, le non-dit des non-vus, le noyau magmatique, la bienveillance mouillée, ils ont vu les torrents, les cascades, le sang noir des conquêtes, ils ont vu les affinités lourdes, les massacres fortuits, ils ont vu le chatoiement des vagues, et zut, on est obligé de s'arrêter. Poéticide. Hans Limon. Et je pleure, et je pleure, et mes yeux calcinent le revers de mes poings serrés. Je pleure de ce réveil trompeur. Merci, cher Jacques, pour ces lectures de textes de Hans Limon.